Deuxième partie, suite. Prêt à consommer ses forfaits, Andoury sentait ses passions s'exalter. Chelouta, de retour de son pèlerinage, parut toute divine aux yeux du scélérat. Une femme en pleurs, une femme qui vient de faire des choses extraordinaires, a des attraits irrésistibles. Plus l'âme s'élève vers le ciel, plus le corps se couvre de grâce. Et le criminel, pour son supplice, comme pour celui de sa victime, aime particulièrement la beauté qui tient à la vertu. « Quoi, cette femme, disait Andoury, si dévouée à mon rival, ne m'accorderait pas même un sourire ? Chelouta, tu seras à moi. J'assouvirai sur toi mes désirs, fusses-tu dans les bras de la mort. » Au milieu de son triomphe, Andoury éprouvait pourtant une vive inquiétude. La jalousie de la femme chef, endormie pendant les troubles au Natchez et pendant l'absence de Chelouta, jetait maintenant de nouvelles flammes. Elle menaçait le tuteur du soleil d'un éclat qu'il eût perdu. Une scène inattendue fut au moment de produire la catastrophe qu'il redoutait. La fête de la pêche avait été proclamée fête sacrée, à laquelle personne ne se pouvait dispenser d'assister. Chelouta s'y rendit avec Mila et son frère. Le grand prêtre ordonna la danse générale des femmes. La sœur d'Outougamiz fut obligée de figurer dans ce chœur religieux. Émue par ses souvenirs, se laissant aller à une imagination attendrie, elle commence à faire parler ses pas, car la danse a aussi son langage. Tantôt, elle lève les bras vers le ciel, comme le rameau d'un suppliant. Tantôt, elle incline sa tête, comme une rose affaissée sur sa tige. L'air de langueur et de tristesse de Chelouta ajoutait un charme à ses grâces. Andoury dévorait des yeux la touchante sauvage. Akansi, qu'il ne perdait pas de vue, se sentait prête à rugir comme une lionne. Dans l'illusion de sa passion, elle crut pouvoir lutter avec sa rivale et descendit dans l'arène. Les mouvements de la femme jalouse étaient durs. Ses mains s'agitaient par convulsions, ses pas se marquaient par intervalles courts et précipités. Le crime avait l'air de peser sur le ressort qui la faisait tressaillir. Honteux pour elle, le tuteur du soleil détourna la vue. La femme chef s'en aperçut, et n'ayant le courage ni de cesser ni de continuer la danse, elle se mit à tourner sur elle-même avec des espèces de hurlements. Alors Mila, qui voulut tenir compagnie à sa sœur et se rire d'Akansi, vint voltiger sur le gazon. Ses pieds et ses bras se déploient par des mouvements brillants et onduleux. Elle se balance comme un jeune peuplier caressé des brises. Le sourire de l'amour est sur ses lèvres, l'ivresse du plaisir dans ses yeux. C'est un faon qui bondit, un oiseau qui vole. Elle se joue, flotte, nage dans l'air, comme un papillon. Le contraste qu'offraient les trois femmes étonnait les Natchez et les Français présents à la fête. C'était la douleur, la jalousie et le plaisir qui mêlaient leurs pas. Un hymne, ordinairement chanté à cette cérémonie, était répété en dialogue par les danseuses. Chelouta disait « Retire-toi, vagabonde du désert. Le bruit de tes pleurs est pour moi plus détestable que celui de l'ondée qui perd la moisson. Je hais les infortunes, ma cabane se plaît dans la solitude. Jamais un tombeau ne m'a détourné de mon chemin. Je le foule aux pieds et je passe sur son gazon. » La femme chèvre répondait, « Je suis étrangère, je suis le serpent noir qui ne fait point de mal. Mon époux est loin, mon enfant va mourir. Matrone de la cabane solitaire, sois bonne, donne à manger à ma faim. Les génies t'en récompenseront. Celui que tu aimes ne sera jamais loin, ni ton enfant prêt à mourir. » Mila répliquait, « Viens dans ma cabane, viens, pauvre étrangère, malheur à qui repousse l'infortuné. Viens, n'implore plus cette matrone. C'est une femme de sang. Ses mains sont homicides. Les lèvres de son enfant ne caressaient point son sein. Elle la faisait souffrir. Lorsque son enfant lui disait « Ma mère », elle n'avait jamais besoin de sourire. Viens dans ma cabane, pauvre étrangère, malheur à qui poursuit l'innocent. » Il était temps que cette danse cessât. Chelouta et Akansi étaient prêts à s'évanouir. Le hasard, en mettant dans leur bouche le chant opposé à leur position et à leur caractère, les accablait. Quelle leçon pour la femme chef ! Le persécuteur avait pris un moment la place du persécuté, afin que le premier eût une idée de sa propre injustice. Lorsqu'à la fin du chant les trois femmes vinrent à mêler leurs voix, il sortit de ces voix confondues des sons qui arrachèrent un cri d'étonnement à la foule. La mère du soleil quitta brusquement les jeux, faisant signe à Andoury de la suivre. Il ne lui osa désobéir. Le couple impur arrive à la cabane du soleil. Akansi éclate en reproches. « Voilà donc, s'écrie-t-elle, celui à qui j'ai tout sacrifié. Honneur, repos, vertu, tout a péri dans la fatale passion qui me dévore. Pour toi, j'ai livré mon âme au mauvais génie. Pour toi, j'ai consenti à laisser tuer le grand chef. J'ai approuvé tous tes complots. Esclave de ton ambition comme de ton amour, je me suis étudié à satisfaire les moindres caprices de tes crimes. Heureuse autant qu'on peut l'être, sous le poids d'une conscience bourrelée, je me disais, il m'aime. Esprit des ombres, enseignez-moi ce qu'il faut faire pour conserver son cœur. De quel nouveau forfait dois-je souiller mes mains pour donner plus de charmes à mes caresses? Parle, je suis prête. Renversons les lois, usurpons le pouvoir, immolons la patrie, et s'il le faut, l'enfant royal que j'ai porté dans mes flancs. Ces paroles, sortant à flots pressés d'un sein qui les avait longtemps retenues, suffoquent la misérable Akansi. Elle tombe dans les convulsions du désespoir aux pieds d'Andoré. Effrayée des révélations qu'elle pouvait faire, le monstre eut un moment la pensée d'étouffer sa complice au milieu de cette crise de remords, avant que le repentir la rendît à l'innocence. Mais il avait encore besoin du pouvoir de la femme chef. Il la rappelle donc à la vie, il essaye de la calmer par des paroles d'amour. « Tu ne me tromperas plus, dit-elle, je n'ai déjà été que trop crédule. J'ai vu tes regards idolâtrer ma rivale, je les ai vus détourner de moi avec dégoût. Je repousse tes caresses, tu te les reprocherais, ou peut-être, en me les prodiguant, les offrirais-tu dans le secret de ton cœur à cette Chelouta qui te méprise. » Akansi s'arrête comme épouvantée de ce qu'elle va dire. Ses yeux sont tachés de sang, son sein se gonfle et rompt les liens de fleurs dont il était entouré. Elle s'approche du chef inquiet, appuie ses mains aux épaules du guerrier et parlant d'une voix étouffée, presque sur les lèvres du traître, « Écoute, lui dit-elle, plus d'amour. Il ne me faut à présent que des vengeances. J'ai favorisé tes projets, serre les miens. Que Chelouta soit enveloppée avec son mari dans le massacre que tu médites. Je veux tenir dans ma main cette tête charmante, la présenter par ses cheveux sanglants à tes baisers. Si tu hésites à m'offrir ce présent, dès demain, j'assemble la nation, je rends l'éclat à la vertu que tu as ternie, je dévoile tes crimes et les miens, et nous recevrons ensemble le châtiment dû à notre perversité. » Akansi, les yeux attachés sur ceux d'Andoré, cherche à surprendre sa pensée. « N'est-ce que cela que tu demandes pour t'assurer de mon amour ?» répondit l'homme infernal d'un ton glacé. « Tu seras satisfaite. Tu m'as livré, René. Je te livrerai, Chelouta. Mais avant qu'elle soit à toi !» s'écria Akansi. Ce mot fit hocher la tête à Andoré. Le scélérat vit qu'il était deviné. Il recula quelques pas. « Il faut donc tout te promettre » s'écria-t-il à son tour. Il sort, méditant un crime qui le délivrerait de la crainte de voir publier ceux qu'il avait déjà commis. Les affreux amants se quittèrent, pénétrés de l'horreur qu'ils s'inspiraient mutuellement. Au seul souvenir de ce qu'ils avaient découvert dans l'âme l'un de l'autre, leurs cheveux se hérissaient. Chelouta, dont la tête venait d'être demandée et promise, était rentrée dans sa cabane, plus languissante que jamais. Elle avait trouvé Amélie accablée d'une fièvre violente. Mila prenait l'enfant dans ses bras et lui disait « Fille de René, en cas que tu viennes à mourir, j'irai le matin respirer ton âme dans les parfums de l'aurore. Je te rendrai ensuite à Chelouta, car que serait-ce si une autre femme allait te ravir à nous, si tu descendais par exemple dans le sein d'Akansi ?» Outougamis, qui écoutait ce monologue, s'écria « Mila, tu es toute notre joie et toute notre tristesse. Est-ce que tu vas bientôt cueillir une âme ? Tu me donnerais envie de mourir pour renaître dans ton sein. » L'idée de la mort, tout adoucie qu'elle était par cette gracieuse croyance, ne pouvait cependant entrer dans le cœur d'une mère sans l'épouvanter. Cette mère demandait inutilement des nouvelles de son époux. On n'avait point entendu parler de René depuis son départ. Chactas était absent. Le capitaine d'Artaguet et le grenadier Jacques, après avoir passé un moment au fort Rosalie, avaient été envoyés à un poste avancé sur la frontière des tribus sauvages. Tous les appuis manquaient à la fois à Chelouta, et elle allait encore être privée de la protection d'Outougamise. Un soir, assise avec sa sœur à quelque distance de sa cabane, elle entendit du bruit dans l'ombre. Mila prétendit qu'elle voyait un fantôme. « Ce n'est point un fantôme, dit Imlay, c'est moi qui viens visiter Chelouta. »« Guerrier noir, s'écria Chelouta, qui te ramène ici? L'Azir n'est-elle avec toi, cette colombe étrangère qui a réchauffé ma petite colombe sous ses ailes? » L'Azir est toujours esclave, répondit Imlay, mais j'ai rompu mes chaînes et celles d'Iséphar. Andoré, le fameux chef, me nourrit dans la forêt en attendant l'assemblée au grand lac. De quelle assemblée parles-tu ? Demande Chelouta étonné. Tais-toi, reprit Imlay. C'est un secret que je ne sais pas entièrement, mais Outougami sera du voyage. Chelouta, nous serons tous libres. Iséphar est avec moi. Depuis qu'elle est fugitive, jamais elle n'a été si belle. Si tu la voyais dans les grandes herbes où je la cache le jour, tu la prendrais pour une jeune lionne. Quand la nuit vient, nous nous promenons en parlant de notre pays, où nous allons bientôt retourner. J'entends déjà le chant du coq de ma case. Je vois déjà à travers les arbres la fumée des pipes des hangars. Imlay, dansant et chantant, se replongea dans le bois, laissant Mila riante et charmée du caribou noir. L'indiscrète légèreté de l'Africain jeta Chelouta dans de nouvelles inquiétudes. Quel était le voyage que devait bientôt entreprendre Outougamiz et dont l'Indien n'avait jamais parlé ? Outougamiz n'avait pu parler de ce voyage, car il ignorait encore ce qu'il était au moment d'apprendre. Imlay, chef des Noirs, qu'Ondouré avait débauchés à leur maître pour les armer un jour contre les Blancs, ne savait pas lui-même le fond du complot. Il connaissait seulement quelques détails qu'on s'était cru obligé de lui apprendre afin de soutenir son courage et celui de ses compagnons. L'apparition d'Imlay ne fut précédée de celle d'Adario que de quelques heures. Le sachem vint à la cabane de Chelouta pour chercher son neveu. Il l'emmène dans un champ stérile et dépouillé où toute surprise était impossible. Il parle ainsi au jeune homme. L'Assemblée générale des Indiens pour la délivrance des chairs rouges a été convoquée au nom du Grand Esprit par les Natchez. 4 messagers ont été envoyés avec le calumet d'alliance aux 4 points de l'horizon. Les guerres particulières sont pour un moment suspendues. Le calumet a été remis à la première nation que les messagers ont rencontrée. Cette nation l'a porté à une autre, et ainsi de suite, jusqu'à la limite où la terre a été bornée par le ciel et l'eau. Nulle tribu n'a désobéi à l'ordre de Kitchimanitou. Le Grand Esprit, note de l'auteur. Des députés de tous les peuples sont en marche pour le rendez-vous fixé au rocher du Grand Lac. Le conseil des sachem t'a nommé avec le jongleur et le tuteur du soleil pour assister à l'Assemblée générale. Outougamiz, il faut partir. La patrie te réclame. Montre-toi digne du choix des vieillards. Cependant, si tu te sentais faible, dis-le-moi. Nous chercherons un autre guerrier jaloux de faire vivre son nom dans la bouche des hommes. Toi, tu prendras la tunique de la vieille matrone. Le jour, tu iras dans les bois abattre de petits oiseaux avec des flèches d'enfants. La nuit, tu reviendras secrètement dans les bras de ta femme, qui te protégera. Elle te donnera pour postérité des filles que personne ne voudra épouser. Outougamiz regarda le sachem avec des larmes d'indignation. « Qu'ai-je fait ? Lui dit-il. « Ai-je mérité que mon oncle me parle ainsi ? Depuis quand ai-je refusé de donner mon sang à mon pays ? Si j'ai jamais eu quelque amour de la vie, ce n'est pas en ce moment. »« Nourris cette noble ardeur !» s'écria Dario. « Oui, je le vois. Tu es prêt à sacrifier ?»« Qui ?» dit Outougamiz en l'interrompant. « Toi-même, » répartit le sachem, qui sentit l'imprudence de la parole à demi échappée à ses lèvres. « Va, mon neveu, va t'occuper de ton départ. Tu apprendras le reste sur le rocher du Grand Lac. » Adario quitta Outougamiz, et celui-ci rentra dans la cabane de René plein d'une nouvelle tristesse, dont il ne pouvait trouver la cause. On sait par quelle profondeur de haine et de crime Ondouré avait voulu qu'Outougamiz se trouvât à l'Assemblée générale, afin de le lier par un serment qu'il ne pourrait rompre. Mila et Chelouta observaient Outougamiz. Elles le virent préparer ses armes dans un endroit obscur de la cabane. Il tira de son sein la chaîne d'or et lui dit « Manitou, te porterai-je avec moi ?»« Oui, les guerriers disent que tu me feras mourir. Je te veux donc garder. » Les deux sœurs étaient hors d'elles-mêmes en entendant Outougamiz parler ainsi. « Mon frère, dit Chelouta, tu vas donc faire un voyage ?»« Oui, ma sœur, répondit le jeune guerrier. « Seras-tu longtemps ? Dit Mila. « Je sais que tu vas au rocher du Grand Lac. »« Cela est vrai, répartit Outougamiz. « Mais comment le sais-tu ? Il s'agit de la patrie, il faut partir. » Mila ne trouvait plus de paroles. Assise sur sa natte, elle pleurait. Un aloès de la garde du soleil se présente. « Guerrier, dit-il à Outougamiz, les sachems assemblés t'attendent. « Je te suis, répond Outougamiz. » Mila et Chelouta volent à leur mari et à leur frère. « Quand te reverrons-nous » dirent-elles en l'entourant de leurs bras. « Les lières, répondit Outougamiz, ne pressent que les vieux chênes. Je suis trop jeune encore pour que vous vous attachiez à moi. Je ne vous pourrai soutenir. » si je portais ton fils dans mon sein, dit Mila, me quitterais-tu? Comment ferons-nous sans René et sans Otougamiz? Tu es sage comme une vieille matrone, Mila, repartit le sauvage. Ne te fie pas à mes cheveux blancs, dit Mila avec un sourire. C'est de la neige d'été sur la montagne. Elle fond aux premiers rayons du soleil. L'Aloès, pressant Otougamiz de partir, Chelouta s'écria « Grand esprit, fais qu'il nous rapporte le bonheur !» Prière qui n'arriva pas jusqu'au ciel. Les deux femmes restèrent sur le seuil de la cabane à écouter les pas d'Otougamiz qui retentissaient dans la nuit. Quand elles n'entendirent plus rien, elles rentrèrent et pleurèrent jusqu'au lever du jour. Arrivée à la grotte des Sachem, Otougamiz apprit que le jongleur et Ondouré, avec leur suite et les présents, étaient déjà partis et qu'il les devait rejoindre. Les vieillards exhortèrent le frère de Tchelouta à soutenir l'honneur et la liberté de sa patrie. Le même garde qui l'avait amené au conseil le conduisit dans la forêt où se croisaient divers chemins. Otougamiz marcha vers le nord. Il trouva le jongleur et Ondouré au lieu désigné. Ce lieu était la fontaine même où Tchelouta avait rencontré son mari et son frère lors de leur retour du pays des Illinois. Sur la côte septentrionale du lac supérieur s'élève une roche d'une hauteur prodigieuse. Sa cime porte une forêt de pins. De cette forêt sort un torrent qui, se précipitant dans le lac, ressemble à une zone blanche suspendue dans l'azur du ciel. Le lac s'étend comme une mer sans bornes. L'île des âmes apparaît à peine à l'horizon. Sur les côtés du lac, la nature se montre dans toute sa magnificence sauvage. Les Indiens racontent que ce fut du sommet de la roche isolée que le grand esprit examina la terre après l'avoir faite, et qu'en mémoire de cette merveille, il voulut qu'une partie de cette terre restât visible du lieu d'où il avait contemplé la création au sortir de ses mains. C'était à ce rocher, témoin des œuvres du grand esprit, que toutes les nations indiennes se devaient réunir. Une flotte aussi nombreuse que singulière commençait à s'assembler au pied du rocher. Le canot pesant de l'Iroquois voguait auprès du canot léger du Huron. La pirogue de l'Illinois, d'un seul tronc de chêne, flottait avec le radeau du Panis. La barque ronde du Poutaïs était soulevée par la vague qui ballottait l'outre de l'Esquimau. Les députés des Natchez gravirent la roche sauvage. De jeunes Indiens de toutes les tribus les accompagnèrent. Sur les deux rives du torrent, dans l'épaisseur du bois, ils construisirent en abattant des pins une salle dont les troncs des arbres renversés formaient les sièges. Au milieu de cet amphithéâtre, ils allumèrent un immense bûcher. Toutes les nations étant arrivées, elles montèrent au rocher du grand esprit et vinrent occuper tour à tour l'enceinte préparée. Les Iroquois parurent les premiers. Nulle autre nation n'aurait osé passer avant eux. Ces guerriers avaient la tête rasée, à l'exception d'une touffe de cheveux qui composait avec des plumes de corbeau une espèce de diadème. Leur front était peint en rouge, leurs sourcils étaient épilés, leurs longues oreilles découpées se rattachaient sur leur poitrine. Chargés d'armes européennes et sauvages, ils portaient une carabine en bandoulière, un poignard à la ceinture, un casse-tête à la main. Leur démarche était fière, leur regard intrépide. C'étaient les républicains de l'état de nature. Seuls de tous les sauvages, ils avaient résisté aux Européens et dompté les Indiens de l'Amérique septentrionale. Le Canada était leur pays. Ils entrèrent dans la salle du conseil en exécutant le pas d'une danse guerrière. Ils prirent à la droite du torrent la place la plus honorable. Après eux parurent les Algonquins, reste d'une nation autrefois si puissante et qu'après 3 siècles de guerre, les Iroquois avaient presque entièrement exterminé. Leur langue devenue la langue polie du désert, comme celle des Grecs et des Romains dans l'Ancien Monde, attestait leur grandeur passée. Ils n'avaient que 2 jeunes hommes pour députés. Ceux-ci, d'une taille élevée, d'une contenance guerrière, ne portant ni ornement ni peinture, entrèrent simplement et sans danser dans l'enceinte. Ils passèrent devant les Iroquois la tête haute et se placèrent en silence sur la gauche du torrent en face de leurs ennemis. Les Hurons venaient les troisièmes. Vifs, légers, braves, d'une figure sensible et animée, c'étaient les Français du Nouveau Monde, de tout temps alliés d'Onontio, le gouverneur du Canada, note de l'auteur, et ennemis des Iroquois. Ils occupaient quelques bourgades autour de Québec. Ils se précipitèrent dans la salle du conseil, jetèrent en passant un regard moqueur aux Iroquois et s'assirent auprès de leurs amis, les Algonquins. Un prêtre, suivi d'un vieillard, et ce vieillard suivi lui-même d'un guerrier sur l'âge, arrivèrent après les Hurons. Le prêtre n'avait pour tout vêtement qu'une étoffe rouge roulée en écharpe autour de lui. Il tenait à la main deux tisons enflammés et murmurait à voix basse des paroles magiques. Le vieillard qui le suivait était un sagamo ou un roi. Ses cheveux longs flottaient sur ses épaules. Son corps nu était chargé d'hiéroglyphes. Le guerrier qui marchait après le vieillard portait sur la tête un berceau, par honneur pour les enfants qu'on adorait dans son pays. Ces trois sauvages représentaient les nations Abénakis, habitantes de l'Acadie et des côtes du Canada. Ils prirent la gauche des Iroquois. Un homme, dont le visage annonçait la majesté tombée, se présenta le cinquième sur le rocher. Un manteau de plumes de perruche et de jais bleus, suspendu à son cou par un cordon, flottait derrière lui comme des ailes. C'était un empereur de ces anciens peuples qui habitaient jadis la Virginie et qui depuis se sont retirés dans les montagnes aux confins des Carolines. Un autre débris des grandeurs sauvages venait après l'empereur virginien. Il était chef des Parahousti, races indigènes des Carolines, presque totalement extirpées par les Européens. Le prince était jeune, d'une mine fière mais aimable. Tout son corps, frotté d'huile, avait une couleur cuivrée. Un androgyne, être douteux très commun chez les Parahousti, portait les armes de ce chef. Un Jonas, prêtre ou un jongleur, le précédait en jouant d'un instrument bizarre. Parurent alors les députés des nations confédérées de la Floride, les fameux Creeks, Muscogulge, Siminole et Cherokee. Un nez aquilin, un front élevé, des yeux longs, distinguaient ces Indiens des autres sauvages. Leur tête était ceinte d'un bandeau, ombragée d'un panache. En guise de tunique, ils portaient une chemise européenne bouffante, rattachée par une ceinture. Le miko, ou le roi, marchait à leur tête. Des esclaves yamazés et des femmes gracieuses les suivaient. Tout ce cortège entra avec de grandes cérémonies. Les nations déjà assises, excepté les Iroquois, se levèrent et chantèrent sur son passage. Les Creeks s'assirent au fond de la salle sur les troncs des pins qui faisaient face au lac et qui n'étaient point encore occupés. Les Chickasaws et les Illinois, voisins des Natchez, leur ressemblaient par l'habillement et par les armes. Après eux défilèrent les députés des peuples transmétchassébéens, les Klamez, qui soufflaient en passant dans l'oreille des autres sauvages pour les saluer, les Sénis, qui portaient au bras gauche un petit plastron de cuir pour parer les flèches, les Makulas, qui habitent des espèces de ruches, comme des abeilles, des Kachnouks, qui ont appris à faire la guerre à cheval, qui lancent une fronde avec le pied et cassent en galopant la tête à leurs ennemis, les Hurras, au crâne aplati, qui marchent en imitant la danse de l'ours et dont les joues sont traversées par des os de poisson. Des sauvages petits, d'un air doux et timide, vêtus d'un habit qui leur descendait jusqu'à la moitié des cuisses, s'avancèrent. Ils avaient sur la tête des touffes de plumes, à la main des kippos, aux bras et au cou des colliers de cet or qui leur fut si funeste. Un cacique portait devant lui le premier calumet envoyé de l'île de Saint-Salvador pour annoncer aux nations américaines l'arrivée de Colombe. On reconnut les tristes débris des Mexicains. Il se fit un profond silence dans l'assemblée à mesure que ces Indiens passaient. Les Sioux, peuple pasteur, anciens hôtes de Chactas, auraient fermé la marche si derrière eux on eût aperçu les Esquimaux. Une triple paire de chaussons et de bottes fourrées abritait les cuisses, les jambes et les pieds de ces sauvages. Deux casaques, l'une de peau de cygne, l'autre de peau de veau marin, enveloppaient leur corps. Un capuchon, ramenés sur leur tête, laissaient à peine voir leurs petits yeux couverts de lunettes. Un toupet de cheveux noirs, qui leur pendait sur le front, venait rejoindre leur barbe rousse. Ils menaient en laisse des chiens semblables à des loups. De la main droite, ils tenaient un harpon, de la main gauche, une autre remplie d'huile de baleine. Ces pauvres barbares, en horreur aux autres sauvages, furent repoussés de tous les rangs où ils se voulurent asseoir. Le cacique mexicain les appela et leur fit une place auprès de lui. Outougamiz le remercia de son hospitalité. L'assemblée ainsi complète, un grand festin fut servi. les guerriers des diverses nations s'étonnaient de ne point voir Shaktas. Tous croyaient avoir été convoqués par son ordre, et les vieillards avaient amené leur fils pour être témoins de sa sagesse. Ondouré balbutia quelques excuses, ou mieux instruit, on eût découvert ses crimes. C'était au coucher du soleil que devait commencer la délibération. Outougamis ne savait ce qu'il allait apprendre, mais il pressentait quelque chose de sinistre. L'ouverture de la salle était tournée vers le couchant, de sorte que les députés assis dans le bois, sur le tronc des pins, découvraient la vaste perspective du lac et le soleil incliné sur l'horizon. Le bûcher brûlait au milieu du conseil, la roche élevée portait dans les airs comme sur un piédestal, et ce bois, né avec la terre, et cette assemblée de sauvages, prête à délibérer sur la liberté de tout un monde. Aussitôt que le disque du soleil toucha les flots du lac, par-delà l'île des âmes, le jongleur des Natchez, les bras tendus vers l'astre du jour, s'écria « Peuple, levez-vous !» Quatre interprètes des quatre langues mères de l'Amérique répétèrent le commandement du jongleur, et les députés se levèrent. Le silence règne, on n'entend que le bruit du torrent qui coule au milieu du conseil, et qui cesse de gronder en se précipitant dans le lac où il n'arrive qu'en vapeur. Tous les yeux sont fixés sur le jongleur. Il déploie lentement un rouleau de peau de castor. La dernière enveloppe s'entr'ouvre. On aperçoit des ossements humains. « Les voilà !» s'écrie le prêtre, ces témoins redoutables. « Ossements sacrés, vous reposerez encore dans une terre libre. Oui, pour vous, nous allons entreprendre des choses qui ne se sont point encore vues. » Sur vous, nous allons prêter le serment d'un secret plus profond que les abîmes de la tombe dont vous nous avons retirés. » Le jongleur s'arrête puis s'écrie de nouveau « Peuple, jurez !» Il prononce ainsi la formule du plus terrible des serments. « Par le grand esprit, par Atahensic, par les cendres de nos pères, par la patrie, par la liberté, je jure d'adhérer fidèlement à la résolution qui sera prise, soit en général par tous les peuples, soit en particulier par ma nation. Je jure que, quelles que soient les mesures que les peuples en général, ou ma nation en particulier, adoptent dans cette assemblée, je garderai un inviolable secret. Je ne révélerai ce secret ni à mes frères, ni à mes sœurs, ni à mon père, ni à ma mère, ni à ma femme, ni à mes amis, encore moins à ceux contre qui ces mesures pourraient être adoptées. Si je révèle ce secret, que ma langue soit coupée en morceaux, que l'on m'enferme vivant dans un tombeau, qu'Atahensic me poursuive, que mon corps, après ma mort, soit livré aux mouches, et que mon âme n'arrive jamais au pays des âmes. » Agité du génie de la mort, le jongleur se tait. Il promène des yeux hagards sur l'assemblée que glace une religieuse terreur. Tout à coup, les sauvages, déployant un bras armé, s'écrient « Nous le jurons !» Le soleil tombe sous l'horizon, le lac bat ses rivages, le bois murmure, le bûcher du conseil pousse une noire fumée. Les ossements semblent tressaillir. Outougamis a juré. Il a juré. Et comment eût-il pu ne pas prononcer le serment? La religion, la mort, la patrie avaient parlé. Cent vieillards avaient promis de se taire sur la délivrance de toutes les nations américaines. Ondouré avait prévu pour Outougamis cet entraînement inévitable. Il jeta un regard plein d'une joie affreuse sur l'infortuné. Outougamis sentit passer sur lui ce fatal regard. Il leva les yeux et lut son malheur au visage du monstre. Un cri aigu sort de la poitrine du frère de Tchelouta. « René est mort. J'ai tué mon ami. » Ce cri, ce désespoir, trouble l'assemblée. Ondouré explique tout bas au sachem que ce neveu du grand Adario a quelquefois des accès de frénésie. Effet d'un sort à lui jeté par un magicien de la chair blanche. Les prêtres entourent le jeune sauvage et prononcent sur lui des paroles mystérieuses. Outougamis revient du premier égarement de sa douleur. Il n'ose plus se plaindre devant les ministres du grand esprit. Il écoute la délibération qui commence. Un vague espoir lui reste de trouver le moyen d'échapper à des maux qu'il prévoit, mais que cependant il ne connaît pas, puisqu'il ignore ce qu'on va proposer. Ondouré porte la parole au nom des Natchez. Six sachem, chargés de garder dans leur mémoire le discours du chef, se distribuèrent les bûchettes qui devaient servir à noter la partie du discours que chacun d'eux était obligé de retenir. « L'arbre de la paix, dit Ondouré, étendait ses rameaux sur toute la terre des chairs rouges qui croyaient être seuls dans le monde. Nos pères vivaient rassemblés à l'ombre de l'arbre. Les forêts ne savaient que faire de leurs chevreuils et les lacs de leurs poissons donnaient 12 colliers de porcelaine bleue. Le jongleur des Natchez jette 12 colliers au milieu du conseil. Un jour, reprit Ondouré, jour fatal, un bruit vint du levant. Ce bruit disait, des guerriers vomissant le feu et montés sur des monstres marins sont arrivés à travers le lac sans rivage. Nos aïeux rirent, guerriers mexicains que je vois ici, vous savez si le bruit disait vrai. Nos pères, enfin convaincus de l'apparition des étrangers, délibérèrent. Ils dirent, bien que les étrangers soient blancs, ils n'en sont pas moins des hommes. On leur doit l'hospitalité. Alléchés par nos richesses, les blancs descendirent de toutes parts sur nos rives. Mexicains, ils vous ensevelirent dans la terre. Chicasso, ils vous obligèrent de vous enfoncer dans la solitude. Parahoustis, ils vous exterminèrent. Abenakis, ils vous empoisonnèrent avec une poudre. Iroquois, Algonquins, Hurons, ils vous détruisirent les uns par les autres. Esquimaux, ils s'emparèrent de vos filets. Et nous, infortunés Natchez, nous succombons aujourd'hui sous leur perfidie. Nos sachets ont été enchaînés. Le champ qui couvrait les cendres de nos ancêtres est labouré par les étrangers que nous avions reçus avec le calumet de paix. Donnez 12 pots d'élan pour la cendre des morts. Le jongleur donne 12 pots d'élan. Mais pourquoi, continua Ondouré, m'étendrai-je sur les maux que les étrangers ont fait souffrir à notre patrie? Voyez ces hommes injustes se multiplier à l'infini, tandis que nos nations diminuent sans cesse. Ils nous détruisent encore plus par leurs vices que par leurs armes. Ils nous dévorent en s'approchant de nous. Nous ne pouvons respirer l'air qu'ils respirent. Nous ne pouvons vivre sur le même sol. Les Blancs, en avançant et en abattant nos bois, nous chassent devant eux comme un troupeau de chevreuils sans asile. La terre manquera bientôt à notre fuite, et le dernier des Indiens sera massacré dans la dernière de ces forêts. Donnez un grand soleil de pierre rouge pour le malheur des Natchez. Le jongleur jette une pierre en forme de soleil au centre du conseil. Ondouré se rassied, les sauvages frappent leur casse-tête en signe d'applaudissement. Le chef Natchez, voyant les esprits préparés à tout entendre, crut qu'il était temps de dévoiler le secret. Il se lève de nouveau, et reprenant la parole, il fait observer d'abord qu'un coup soudainement frappé est le seul moyen de délivrer les Indiens. Qu'attaquer les Blancs à force ouverte, c'était s'exposer à une destruction certaine, puisque ceux-ci étaient sûrs de triompher par la supériorité de leurs armes. Que le crime étant prouvé, peu importait la manière de le punir. Que se laisser arrêter par une pitié pusillanime, c'était sacrifier la liberté des générations à venir aux petites considérations d'un moment. « Voici donc, dit-il, ce que les Natchez vous proposent. » Le silence redouble dans l'assemblée, où Tougamiz sent sa peau se coller à ses os. Dans tous les lieux où il se trouve des Blancs, il faut que les Indiens paraissent leurs amis, et même leurs esclaves. Une nuit, les chairs rouges se lèveront à la fois et extermineront leurs ennemis. Les esclaves noirs nous aideront dans notre vengeance, qui sera la leur. Deux races seront délivrées du même coup. Les Indiens, chez lesquels il n'y a point d'étrangers, se réuniront à leurs frères opprimés pour accomplir la justice. Le moment de cette justice sera fixé à l'époque des grands jeux chez les nations. Ces jeux offriront le prétexte naturel des rassemblements. Mais comme il est essentiel que le coup soit frappé partout la même nuit, on formera des gerbes de roseaux contenant autant de roseaux qu'il y aura de jours à compter du jour de l'ouverture des jeux au jour de l'exécution. Les jongleurs seront chargés de la garde de ces gerbes. Chaque nuit, ils retireront un roseau et le brûleront, de sorte que le dernier roseau brûlé sera la dernière heure des Blancs. Jetez un poignard. Le jongleur jette un poignard au pied des guerriers. Ici se brisent les paroles d'Ondouré, de même que se rompent quelquefois ces chaînes de fer qui attachent les prisonniers dans les cachots. Libre d'une attention pénible, le conseil commence à s'agiter. Un murmure d'horreur, d'étonnement, de blâme, d'approbation circule dans les rangs de l'assemblée, grossit et bientôt éclate en 1000 clameurs. Les sauvages montés sur les pins abattus n'étaient éclairés dans la profondeur de la nuit qu'à la lueur des flammes du bûcher. On les eût pris à travers les branches et les troncs des arbres pour un peuple répandu parmi les ruines et les colonnes d'une ville embrasée. Tous voulaient parler à la fois. On se menaçait, on levait les massues. Le cri de guerre poussé de la cime du roc se perdait sur les flots du lac, où le bûcher du conseil se reflétait comme un phare sinistre. Les jongleurs, courant çà et là, agitant des baguettes, maniant des serpents, au lieu de rétablir la paix, ne faisaient qu'augmenter le désordre. On venait de mettre aux prises les principes les plus chers aux hommes, la liberté de tout temps, la morale de toute éternité. Ondouré avait conçu le crime et les détails du crime, le plan et les moyens d'exécution, avec la férocité d'un tigre et la ruse d'un serpent. Cependant, le calme peu à peu se rétablit, où Tougamise, qui veut élever la voix, est sévèrement réprimandé par les sachem. C'était aux Iroquois à se faire entendre. Le chef de cette nation s'étant levé, on prête une oreille attentive et inquiète à l'opinion d'un peuple si célèbre. L'orateur répéta d'abord, selon l'usage, le discours entier d'Ondouré, dont chaque division lui était soufflée par l'un des 6 sachem chargés des bûchettes de la mémoire. Ensuite, répondant à ce discours, il dit « Ce que le chef des Natchez a proposé est grand, mais est-il juste ? Chactas, mon vieil ami, n'est pas là-dedans. J'y vois Adario. Les yeux de Chactas sont tombés comme 2 étoiles sous un ciel qui annonce l'orage. J'ai dit « Nous ne sommes point les amis des Blancs. Depuis 200 neiges, nous les combattons. Mais une injustice justifie-t-elle un meurtre ? Deviendrons-nous, en nous vengeant, semblables aux chairs blanches ? L'Iroquois est un chêne qui oppose la dureté de son bois à la hache qui le veut couper. Mais il ne laisse point tomber ses branches pour écraser celui qui le frappe. On n'est pas libre parce qu'on se dit libre. La première pierre de la cabane de la liberté est la vertu. J'ai dit. » L'Iroquois avait cru qu'il s'agissait de s'associer pour lever la hache. Déclarer la guerre, note de l'auteur. Veut-on chanter la guerre à l'étranger ? L'Iroquois se met à votre tête. Marchons, volons. L'Iroquois rugit comme un ours. Il fend les flots des chairs blanches. Il brise les têtes avec sa massue. Il crie « Suivez-moi au fort des Blancs ». Il s'élance dans le fossé. De son corps, il vous fait un pont comme une liane pour passer sur le fleuve de sang, pour rendre la liberté aux chairs rouges. Voilà l'Iroquois. Mais l'Iroquois n'est pas une fouine. Il ne suce pas le sang de l'oiseau qui dort. J'ai dit. L'orateur, en prononçant la dernière partie de son discours, imitait à chaque parole l'objet dont il empruntait l'image. Il disait « Marchons !» et il marchait. Et il disait « Volons !» et il étendait les bras. Il rugissait comme un ours. Il frappait les pins avec son casse-tête. Il montait à l'escalade. Il se jetait en arc comme un pont. Des acclamations, les unes de joie, les autres de rage, ébranlent le bois sacré. Outougami s'écriait « Voilà l'Iroquois, voilà Chactas, voilà moi, voilà René, voilà Tchelouta, voilà Mila !» Ondouré paraissait consterné. De ses desseins avortés, il ne lui restait que le crime. Un Chicasso, prenant impétueusement la parole, rompit l'ordre de la délibération et rendit l'espérance au tuteur du soleil. « Quoi ? » dit ce Chicasso, « est-ce bien un Iroquois que nous venons d'entendre ? Le peuple, qui devrait nous soutenir dans une guerre sacrée, nous abandonne ? Si ces orgueilleux cyprès, qui portaient jadis leur tête dans le ciel, sont devenus des lierres rampants, qu'ils se laissent fouler aux pieds du chasseur étranger. Quant au Chicasso, déterminé à délivrer la patrie, il adopte le plan des Natchez. » Ces paroles furent vivement ressenties par les Iroquois, qui donnèrent aux Chicasso le nom de daims fugitifs et de furets cruels. Les Chicasso répliquèrent en appelant les Iroquois « oiseaux parleurs » et « loups changés en dogues apprivoisés ». Toutes ces nations se divisant semblaient prêtes à se charger sur la pointe du roc, à se précipiter dans le lac avec l'eau du torrent et les débris du bûcher, lorsque les jongleurs parvinrent à obtenir un moment de silence. Le grand prêtre des Natchez, du milieu des branches d'un pin dont il tient le tronc embrassé, s'écrie « Par Michabou, génie des eaux dont vous troublez ici l'Empire, cessez vos discordes funestes !» Aucune nation présente à cette assemblée n'est obligée de suivre l'opinion d'une autre nation. Tout ce qu'elle a promis, c'est le secret, et elle ne peut le dévoiler sans périr subitement. 3 opinions divisent le conseil. La première rejette le plan des Natchez, la seconde l'adopte, la troisième veut garder la neutralité. Eh bien, que chaque peuple suive l'opinion à laquelle il se range. Cela n'empêchera pas ceux qui veulent une vengeance éclatante de l'accomplir. Quand nos frères demeurés en paix sur leurs nattes verront nos succès, peut-être se détermineront-ils à nous imiter. » La sagesse du jongleur fut louée et son avis adopté. Alors se fit la séparation dans l'assemblée. Les Indiens du Nord et de l'Est, les Iroquois à leur tête, se déclarèrent opposants au projet des Natchez. Les peuples de l'Ouest, les Mexicains, les Sioux, les Panis, dirent qu'ils ne blâmaient ni ne désapprouvaient le projet, mais qu'ils voulaient vivre en paix. Les peuples du Midi et ceux qui, en remontant vers le Septentrion, habitaient les rives du Mechassébé, les Chicassos, les Yazous, les Miamis, entrèrent dans la conjuration. Mais tous ces peuples, quelles que fussent leurs diverses opinions, avaient juré sur la cendre des morts qu'ils garderaient un secret inviolable, et tous déclarèrent de nouveau, avec cette foi indienne rarement démentie, qu'ils seraient fidèles à leur serment. « Le voilà donc décidé, le sort des Blancs, aux Natchez !» s'écria Andouré dans un transport de joie, en voyant le nombre considérable des nations du Midi engagées dans le complot. Jusque alors, un rayon d'espérance avait soutenu le malheureux Outougamiz. Mais quand un tiers de l'assemblée se fut déclaré pour le projet du tuteur du soleil, l'ami de René se sentit comme un homme dont le créateur a détourné sa face. Il s'avance, ou plutôt il se traîne, au milieu de l'assemblée. Les uns, selon leur position, le voyaient comme une ombre noire sur la flamme du bûcher. Les autres l'apercevaient comme le génie de la douleur à travers le voile mobile de la flamme. « Eh bien, dit-il d'une voix concentrée, mais qu'on entendait dans l'immense silence de la terre et du ciel, il faut que je tue mon ami. C'est moi, sans doute, Andouré, que tu chargeras de porter le coup de poignard. Nation, vous avez surpris ma foi. Hélas, elle n'était pas difficile à surprendre. Je suis simple. Mais ce que vous ne surprendrez pas, c'est l'amitié d'Outougamiz. Il se taira, car il a prêté le serment du secret. Mais quand vous serez prêts à frapper, Outougamiz, avec le Manitou d'or que voici, sera debout, devant René. Forgez le fer bien long. Pour atteindre le cœur de mon ami, il faut que ce fer passe par le mien. » Le jeune homme se tut. Ses yeux étaient levés vers le firmament. C'était l'ange de l'amitié redemandant sa céleste patrie. Les sachems écoutaient, pleins de pensées. Ils entrevoyaient un secret qu'ils croyaient important de connaître. Ils commandaient le silence au conseil. Les prodiges de l'amitié d'Outougamiz, connus de toute la solitude, faisaient l'admiration des jeunes sauvages. Le frère de Tchelouta, ramenant ses regards sur l'assemblée, « Guerrier, pourquoi êtes-vous muet? Enseignez-moi donc ce qu'il faut que je dise à ma sœur et à ma femme lorsqu'elles viendront au-devant de moi. Que dirai-je à René lui-même? Lui dirai-je, chevreuil, que j'avais trouvé dans le marais des Illinois? Viens que je rouvre la blessure que ma main avait fermée. » Outougamiz, portant tout à coup ses deux mains à sa poitrine, « Je t'arracherai bien de mon sein, affreux secret, » s'écria-t-il. « Ô de mes pères, vous avez beau vous soulever et marcher devant moi, je parlerai. Oui, je parlerai. Je ne serai point un assassin. René, écoute, entends-tu? Voilà tout ce qui s'est passé au conseil. Ne va pas le répéter. Mais René, n'es-tu pas coupable? Adieu, j'ai parlé. J'ai violé mes serments. J'ai trahi la patrie. » Outougamiz défaillit devant le bûcher. Si les guerriers voisins ne l'eussent retenu, il tombait dans la flamme. On le couche à l'écart sur des branches. Cet évanouissement donna le temps aux jongleurs et Andourés de répéter ce qu'ils avaient déjà dit de la frénésie d'Outougamiz, causée par un maléfice. Impatientes de partir, les nations se levèrent et l'on oublia le frère de Tchelouta. Les tribus, qui avaient adopté le plan des Natchez, reçurent du jongleur les gerbes funéraires. Dans chaque gerbe, il y avait 12 roseaux. L'époque des grands jeux, qui durait 12 jours, commençait le 18e jour de la lune des chasses. C'était ce jour-là même que les jongleurs, chez les différentes nations conjurées, devaient brûler le premier roseau. Les autres roseaux, successivement retirés pendant 11 nuits, annonceraient le massacre avec l'épuisement de la gerbe. Les Indiens commencèrent à descendre le sentier étroit et dangereux qui conduisait au bas du rocher. Lorsqu'ils arrivèrent au rivage, le jour éclairait l'horizon, mais il était sombre, et le soleil, enveloppé dans les nuages d'une tempête, s'était levé sans aurore. Les Indiens se rembarquèrent dans leurs canots, se dirigeant vers tous les points de l'horizon. La flotte, bientôt dispersée, s'évanouit dans l'immensité du lac. Le jongleur et Hondouré abandonnèrent les derniers le rocher du conseil. Ils invitèrent Outougamis, qui avait repris ses sens, à les suivre. L'ami de René, les regardant avec horreur, leur répondit que jamais ils ne se trouveraient dans la société de deux pareils méchants. Ils le quittèrent sans insister davantage. Qu'importait à Hondouré qu'Outougamis se précipitât ou non du haut du rocher. Outougamis était lié par un serment qu'il ne romprait sans doute jamais. Mais si, dans son désespoir, il attentait à sa vie, le secret de la tombe paraissait encore plus sûr à Hondouré que celui de la vertu. Outougamis demeure assis sur la pointe du rocher, en face du lac, à l'endroit où le torrent, quittant la terre, s'élançait dans l'abîme. La grandeur des sentiments que ce spectacle inspirait s'alliait avec la grandeur d'une amitié sublime et malheureuse. Les flots du lac, poussés par le vent, mordaient leurs rivages, dont ils emportaient les débris. Partout des déserts autour de cette mer intérieure, elle-même solitude vaste et profonde. Partout l'absence des hommes et la présence de Dieu dans ses œuvres. Le coude appuyé sur son genou, la tête posée dans sa main, les pieds pendant sur l'abîme, ayant derrière lui le bois du conseil, naguère si animé, maintenant rendu à la solitude, Outougamis fut longtemps à fixer ses résolutions. Il se détermina à vivre. Si les Blancs allaient découvrir le complot, qui défendrait la patrie? Qui défendrait Tchelouta? Qui défendrait Mila, dont le sein porte peut-être le fils d'Outougamis? On ne peut pas révéler le secret à René, puisque René est peut-être coupable, comme l'affirment les Sachem. Mais n'y a-t-il pas quelque moyen de sauver l'homme blanc? Chactas reviendra. Chactas sera initié au mystère. La sagesse de ce Sachem ne peut-elle prévenir tant de malheurs? Si Outougamis se précipite dans le lac, sa mort sera inutile à René. Celui-ci n'en périra pas moins. Outougamis, en prolongeant sa vie, peut trouver une occasion inespérée de mettre à l'abri les jours de son ami. Ah, si l'on pouvait faire savoir le secret à Mila, qui a tant d'esprit, elle aurait bientôt tout arrangé. Qui sait aussi si l'innocence de René ne sera pas découverte? Alors quel bonheur! Comme les obstacles s'aplaniraient, comme on passerait du désespoir au comble de la joie! Outougamis, après avoir roulé toutes ses pensées dans son âme, se lève. Vivons, dit-il, ne laissons pas à Tchelouta le poids de tous les maux. Ne nous reposons pas lâchement dans la tombe. Adieu, bois du sang. Adieu, rocher de malédiction. Puisse Atahensic te prendre pour son autel. Outougamis se précipite par l'étroit sentier, laissant au bûcher du conseil quelques cendres qui fumaient encore, image de ce qui reste des vains projets des hommes. Le frère de Tchelouta marcha tout le jour et une partie de la nuit suivante. Des Sioux qu'il rencontra le portèrent dans leur canot de fleuve en fleuve jusqu'au pays des Illinois. Ceux-ci, craignant une nouvelle invasion des Natchez, s'étaient retirés à 200 lieues plus haut, vers l'Occident. Outougamis, reprenant sa route par terre, traversa les champs témoins des prodiges de son amitié. Le poteau où René devait être brûlé était encore debout. Outougamis embrassa ce monument sacré. Il descendit au marais et visita la racine sur laquelle il avait tenu son ami dans ses bras. Il retrouva les roseaux séchés dont il couvrait pendant la nuit l'objet de sa tendresse. Il ramassa quelques plumes des oiseaux dont il avait nourri son frère. Il dit « Belles plumes, si jamais je suis heureux, je vous attacherai avec des fils d'or et je vous porterai autour de mon front les jours de fête. Auriez-vous jamais cru que je tuerais mon ami ?» Cet homme excellent cherchait à puiser dans ses souvenirs de nouvelles forces, pour qu'elles devinssent égales au péril de René. Il se retrempait, pour ainsi dire, dans ses malheurs passés, pour s'endurcir contre son malheur présent. Il s'excitait à l'amitié par son propre exemple, tandis qu'il s'accusait naïvement d'être changé et d'avoir juré la mort de René. Suivant ainsi son amitié à la trace, l'Indien arrive jusqu'aux Natchez. Là, commencèrent ces douleurs qui ne devaient plus finir. René était-il revenu? Comment soutenir sa première entrevue? Que dire aux deux femmes affligées? René n'était point encore aux Natchez. Hondouré seul et le jongleur avaient devancé de 2 aurores le retour du malheureux Outougamis. Les jours de Tchelouta et de Mila s'étaient écoulés dans la plus profonde retraite. Par l'habitude de souffrir et par la longueur du temps, l'épouse de René était tombée dans une tristesse profonde. la tristesse et le relâchement de la douleur, sorte d'intermission de la fièvre de l'âme qui conduit à la guérison ou à la mort. Il n'y avait plus que les yeux de Tchelouta à sourire, sa bouche ne le pouvait plus. « Tu me sembles un peu calme, » disait Mila. « Oui, » lui répondait sa sœur, « je suis faite à présent à la mauvaise nourriture. Mon cœur s'alimente du chagrin qu'il repoussait avant d'y être accoutumé. » La nuit qui précéda l'arrivée d'Outougamiz, les deux indiennes veillèrent plus tard que de coutume. Elles s'occupaient de René, inépuisable sujet de leurs entretiens. Lorsqu'elles furent couchées sur la natte, elles continuèrent de parler, et faisant au milieu de leur adversité des projets de bonheur, elles s'endormirent avec l'espérance. L'enfant malade s'assoupit avec le hochet qu'on lui a donné dans son berceau. À leur réveil, Mila et Tchelouta trouvèrent debout devant elles Outougamiz, pâle, défait, les yeux fixes, la bouche entr'ouverte. Elles s'élancent de leur couche. « Mon frère, mon mari » dirent-elles à la fois. « Qu'y a-t-il ? René est-il mort ? Allez-vous mourir ?»« C'en est fait, » répond l'Indien sans changer d'attitude. « Plus d'épouse, plus de sœur. » « René est mort ! » s'écrie Tchelouta. « Que dis-tu ? » repartit Outougamiz avec une joie sauvage. « René est mort ! Kitchimanitu soit béni !»« Ciel ! » dit Tchelouta, « tu désires la mort de ton ami ? De quel malheur est-il donc menacé ? Nous sommes tous perdus !» murmure Outougamiz d'une voix sombre. Se dégageant des bras de sa femme et de sa sœur, il se précipite hors de la cabane. Mila et Tchelouta le suivent. Elles sont arrêtées tout à coup par Andouré. « Avez-vous vu Outougamiz ? » leur dit-il d'un air alarmé. « Oui, » répondent-elles ensemble. « Il est hors de ses sens. Nous volons après lui. »« Que vous a-t-il dit ? » reprit le tuteur du soleil. « Il nous a dit que nous étions tous perdus, » répliqua Tchelouta. « Ne le croyez pas, » dit le chef, rassuré. « Tout va bien, au contraire. Mais Outougamiz est malade. Je vais chercher Adario. » Comme Andouré s'éloignait, Outougamiz, par un autre sentier, se rapprochait de la cabane. Il marchait lentement, les bras croisés. Les deux femmes, qui s'avançaient vers lui, l'entendaient parler seul. Il disait « Manitou d'or, tu m'as privé de la raison. Dis-moi donc maintenant ce qu'il faut faire. » Mila et Tchelouta saisissent l'infortuné par ses vêtements. « Que voulez-vous de moi ? » s'écrie-t-il. « Oui, je le jure, j'aimerais René en dépit de vous. » Je me ris des vers du sépulcre qui déjà dévore mes chères vivantes. Je frapperai mon ami sans doute, mais je baiserai sa blessure, je sucerai son sang, et quand il sera mort, je m'attacherai à son cadavre jusqu'à ce que la corruption ait passé dans mes os. » Les deux indiennes éplorées embrassaient les genoux d'Outougamiz. Il les reconnaît. « C'est nous, » dit Mila. « Parle !» Outougamiz lui met la main sur la bouche. « Qu'as-tu dit ? On ne parle plus, à moins que ce ne soit comme une tombe. Tout vient à présent des morts. Il y a un secret. » « Un secret ? » repartit vivement Mila. « Un secret pour tes amis ? De quoi s'agit-il donc ? De notre vie ? De celle de René ?» Alors Outougamiz, « Arrache-moi le cœur, » dit-il à Mila en lui présentant son sein, où la jeune épouse applique ses lèvres de flamme. « Ne déchirez pas ainsi mes entrailles, » dit Tchelouta. « Parle, mon cher Outougamiz, viens te reposer avec nous dans ta cabane. » Une voix foudroyante interrompit cette scène. « As-tu parlé ? » disait cette voix. « La terre a-t-elle tremblé sous tes pas ?»« Non, je n'ai pas parlé, » répondit Outougamiz en se tournant vers Adario, que conduisait Andouré. « Mais ne croyez plus trouver en moi le docile Outougamiz. Homme de fer, allez porter votre vertu parmi les ours du Labrador. Buvez avec délice le sang de vos enfants. Quant à moi, je ne boirai que celui que vous ferez entrer de force dans ma bouche. Je vous en rejetterai une partie au visage, et je vous couvrirai d'une tache que la mort n'effacera pas. » Adario fut terrassé. « Que me reproches-tu ? » dit-il à son neveu. « Mes enfants, barbares, 100 fois plus barbares que moi. » Il n'en fallait pas tant pour abattre le ressentiment d'Outougamiz. « Pardonne, » dit-il au vieillard. « Oui, j'ai été cruel. Outougamiz pourtant ne l'est pas. Je suis indigne de ton amitié, mais laisse-moi la mienne. Laisse-moi mourir. Console après moi ces deux femmes. Je t'en avertis, je succomberai, je parlerai. Je n'ai pas la force d'aller jusqu'au bout. » « Me consoler, » dit Tchelouta. « Est-ce là l'homme qui console ? Jusque ici je me suis tue, J'ai écouté, j'ai deviné. Il s'agit de la mort de René. Allons, Otougamise, couronne ton ouvrage, égorge celui que tu as délivré. Sa voix mourante te remerciera encore de ce que tu as fait pour lui. Il cherchera ta main ensanglantée pour la porter à sa bouche. Ses yeux ne te voient déjà plus, mais ils te cherchent encore. Il se tourne vers toi avec son cœur expirant. « L'entends-tu, Adario ?» dit Otougamise. « Résiste, si tu le peux. » Otougamise saisit Tchelouta, et dans les étreintes les plus tendres, il se sent tenté de l'étouffer. « Femme !» s'écria Dario, « retirez-vous avec vos larmes. »« Oui, oui, » dit Mila, « prends ce ton menaçant, mais sache que nous sauverons René, malgré toi, malgré la patrie. Il faut que cette dernière périsse de ma propre main. J'incendierai les cabanes. » « Vil icu essen, courtisane, note de l'auteur, s'écria le vieillard. Si jamais tu oses te présenter devant moi avec ta langue maudite, tu n'échapperas pas à ma colère. « Tu m'appelles icu essen, dit Mila. « De qui ? De mon libérateur ? Tu as raison. Je ne serais pas ce que je suis si je n'avais dormi sur ses genoux. « Quitte ces femmes, dit le vieillard à son neveu. « Ce n'est pas le moment de pleurer et de gémir. Viens avec les sachems qui nous attendent. » Outougamise se laissa entraîner par Adario et par Andouré. Mila et Tchelouta, voyant leurs premiers efforts inutiles, cherchèrent d'autres moyens de découvrir le secret d'Outougamise. Par les mots énigmatiques du jeune guerrier, elles savaient qu'il y avait un mystère, et par sa douleur, elles devinaient que ce mystère enveloppait le frère d'Amélie. Dans cette pensée, avec toute l'activité de l'amitié fraternelle et de l'amour conjugal, elles suspendirent leurs plaintes. Elles convinrent de se séparer, d'aller chacune de son côté errer à l'entrée des cavernes où s'assemblait le conseil. Elles espéraient surprendre quelques paroles intuitives de leur destinée.